franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, second épisode, notre semaine consacrée à la fête, aujourd'hui le festival Woodstock en août 1969. Woodstock, voilà un mot qui résonne comme nul autre. Pour reprendre l'expression de l'essayiste américain Paul Berman, on peut parler de cet événement comme d'un événement Janus, donc à deux faces. Oui, à la fois crépuscule d'un monde et aube d'une nouvelle décennie, le festival de Woodstock, dans sa jeunesse, son impact et son écho, est une rupture symbolique, un carrefour où se croisent les enjeux culturels, sociaux et politiques de l'époque. À l'origine, il y a donc un nom, Woodstock, et un slogan qui l'accompagne, trois jours de paix et de musique. Du 15 au 18 août 1969, 50 000 personnes sont attendues à une centaine de kilomètres au nord de New York pour assister au concert de quelques-uns des artistes rock et folk les plus en vogue du moment. Il viendra finalement un demi-million de spectateurs, transformant le simple concert en plein air en mythe planétaire. Mais comment ce festival, qui n'était ni le premier hippie ou rock, ni le plus important artistiquement, a-t-il pu prendre une telle dimension ? Pour le comprendre, il faut revenir aux origines de cette aventure, retracer son incroyable dramaturgie, suivre les différents protagonistes, organisateurs, spectateurs, musiciens, analyser aussi le paradoxe Woodstock, à la fois apogée de la contre-culture et prémisse de la culture de masse mondialisée. Essayez enfin de saisir un événement qui, en quelques jours, a synthétisé l'espérance de toute une génération, marier les idéologies collectives à la libération individuelle. En seconde partie d'émission, dans le cadre de notre partenariat avec le journal Libération, nous recevrons Laurent Geoffrin, directeur de ce quotidien et par ailleurs passionné de musique. Au cours du récit, vous entendrez des extraits des documentaires Woodstock, réalisés en 1970 par Michael Wadleigh, produit par Wadleigh Morris et distribué par la Warner. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Laigle, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'est en février 69 que cette histoire commence. Par la rencontre de quatre jeunes garçons dans le vent, plongés dans une fin de décennie folle où chaque année paraît en contenir 10. Entre les assassinats de Robert Kennedy et de Martin Luther King, la révolte des campus universitaires et la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques, les derniers rayons du Summer of Love de 1967 et la récente élection du républicain Richard Nixon, celles qu'on appellera bientôt les années hurlantes n'ont peut-être jamais aussi bien porté leur nom. Le premier des quatre garçons s'appelle John Roberts. Il a 24 ans, il a terminé ses études dans une université réputée et il vient surtout d'hériter de 250 000 dollars. Je n'étais pas politisé quand je suis rentré au collège en 66. J'étais au Parti démocrate, mais je n'y pensais pas trop. Mes cheveux n'étaient pas longs. Je portais des vêtements plutôt classiques. Mais il est certain que mon expérience de Woodstock a commencé à me faire rencontrer des gens du monde de la musique, de l'underground, de la politique ici à New York. Et bien que je n'ai jamais été emballé par leurs idées et leurs points de vue, il est évident que j'étais en contact avec eux et dans une certaine mesure, ma façon de parler, la longueur de mes cheveux, ma façon de m'habiller, les drogues que je prenais, alors que j'en prenais très rarement avant, toutes ces choses-là ont commencé à m'arriver en 69. C'est John Roberts, un ami qui répond au nom de Joel Rosenman. Les deux garçons, à l'image de leur époque, n'ont pas vraiment envie de se lancer tout de suite dans la vie active. Ils veulent prendre le temps de prendre le temps. Oui, d'essayer, d'entreprendre, d'inventer. Alors, pourquoi pas dans la musique, à une période où c'est au rythme des Beatles, des Stones et de Dylan que le monde s'agite. Avec l'argent de John Roberts, il lance un projet d'entreprise, un studio d'enregistrement. C'est là que les deux autres garçons entrent dans la danse. Le premier s'appelle Michael Long. Il arbore le visage arrondi de ses 25 ans, caché par de longues boucles brunes, un gilet de cuir à même la peau, un pantalon à franges et des sandales. Cool, quoi. Derrière cette cool attitude se cache un vrai businessman. Après avoir vu la boutique hippie en Floride fermée par la police, il remonte à New York où il rencontre Artie Kornfeld, notre quatrième mousquetaire. Ce dernier est le très jeune vice-président du label Capitol Music. Ensemble, les deux garçons pensent à gérer un studio d'enregistrement, ce qui les mène jusqu'à John Roberts et Joel Rosenman. Et c'est pour se lancer que les quatre ont l'idée de monter un festival de musique. L'idée de plusieurs milliers, de 500 000 personnes qui font des centaines de kilomètres pour venir écouter un concert, et en fait, c'est absurde. Si on peut aller au concert ici à New York, pourquoi aller à Perpète pour écouter un concert? Mais je pense qu'on a su sentir le vent ici, vers les années 60. Et on savait qu'on pouvait créer une ambiance, un événement publicitaire, on pouvait réunir un plateau de célébrités qui attirerait les gens. On a senti que la musique était devenue un tel aimant pour les gens qu'ils seraient venus de toute façon. Voilà le plan, leur explique Michael Lang. Depuis quelques années, à une centaine de kilomètres au nord de New York, autour de la petite ville de Woodstock, de nombreux musiciens, en premier rang desquels la légende Bob Dylan, se sont installés pour s'éloigner de la ville et se rapprocher du calme de la nature. Alors, pourquoi ne pas monter un studio d'enregistrement dans le coin pour accompagner le mouvement? Et pour lancer le studio, on organiserait un festival. Voilà. Et puis les recettes du concert serviront à financer le studio. Initiative privée à l'origine, Woodstock est donc une opération commerciale inspirée par l'idéal communautaire et pacifique du mouvement Peace and Love. Du reste, l'époque est au festival, au grand rassemblement. Celui de Monterey, en 1967, a réuni 50 000 personnes. Michael Lang a lui-même organisé le premier Miami Pop Festival en décembre 1968. Donc, tout le monde est séduit par l'idée. John Roberts, Joel Rosenman, Michael Lang et Artie Cornfield fondent Woodstock Venture Inc., la société en charge d'organiser ce prochain festival. Avec l'argent de John Roberts, les moyens sont importants, donc chacun se répartit les tâches et on recrute à tour de bras un chef d'équipe pour la relation artiste, un autre pour les infrastructures, pour la lumière, pour le son. Ainsi, lentement mais sûrement, dans le petit monde de la musique, la rumeur enfle et assure la publicité de l'événement. Oui, il se prépare un festival à Woodstock et, écoutez bien, Bob Dylan serait de la partie. Pour les organisateurs, la première et principale difficulté consiste à trouver un lieu. Ils jettent leur dévolu sur Mills Park, une future zone industrielle dans la ville de Wallkill, à quelques encablures de Woodstock. Michael, Artie, John et Joel obtiennent les autorisations et fixent les dates. Le festival aura lieu du 15 au 17 août. La liste des artistes s'allonge et les noms brillent. John Baez, Ravi Shankar, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who. Bien. On peut donc éditer, programmer, affiche et mettre en vente les billets. Oui, sauf qu'au début du mois de juillet 1969, la belle mécanique s'enraye dans la ville de Wallkill, avec la population locale en mode apeurée, scandalisée. Un festival de rock chez nous, quelle horreur! Beaucoup d'entre eux croyaient qu'on allait amener de la drogue, que les hippies allaient violer leurs filles, saccager leurs terres. En fait, ils avaient tort. Mais ils voyaient ça de leur point de vue, et ça a créé des problèmes énormes. On a essayé d'établir des contacts et nous avons fait appel à une petite troupe et tout se passait très bien, tous les fermiers étaient là avec leurs femmes, la troupe était en train de jouer une pièce tout à fait innocente et légère. Mais brusquement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, les comédiens ont décidé que pour rehausser le spectacle, qu'ils se déshabilleraient complètement. Et bien sûr, ça a créé un certain remous dans l'assistance et on a été mis à la porte. 15 juillet 1969, New York. Dans les bureaux de Woodstock Venture Inc., nos quatre hommes, Michael Lang, l'organisateur en tête, sont contrariés. Ils ont déjà dépensé des dizaines de milliers de dollars, embauché des centaines de personnes, programmé des dizaines d'artistes et les voilà sans lieu à un mois du festival. Depuis ce revirement, ils ont reçu de nombreuses propositions, plus ou moins sérieuses, mais aucune ne les a convaincus. Alors, quand ce 15 juillet 69, la sonnerie du téléphone retentit, c'est sans trop y croire que Michael Lang prend l'appel. Au bout du fil, l'homme se présente. Il s'appelle Elliot Tiber. Il a 34 ans et il tient avec ses parents un motel miteux du côté de Bethel, dans la région de Warwick Lake, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Woodstock. Il se trouve qu'il est à la fois le président de la chambre de commerce du coin et qu'il organise chaque année un petit festival d'art et de musique dans sa ville. Il a donc une autorisation en bonne et due forme pour la tenue d'un festival. Elliot Tiber est par ailleurs très habillé avec un fermier voisin du motel, Max Yasger, qui est prêt à louer ses terres pour l'événement. Ni une ni deux, Mike Lang monte dans un hélicoptère et fonce à la rencontre d'Eliot Tiber et de Max Yasger. Arrivé sur place, le jeune organisateur tombe immédiatement sous le charme de cette prairie en forme d'amphithéâtre entourée de bois. Max Yasger, le fermier, donne son accord pour 50 000 dollars les 3 jours. Quant à Eliot Tiber, il propose d'utiliser son autorisation de festival pour celui de Woodstock. Mike Lang s'engage, comme il le fait depuis le départ, à rendre les terres en parfait état. Le deal est excellent. Woodstock aura bien lieu ailleurs qu'à Woodstock, mais il est trop tard pour changer le nom. Bon, le 22 juillet 1969, au lendemain des premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin, c'est le buzz, un message est publié dans le Times Herald Record. Le Rock Festival a obtenu l'accord de Bethel. Mike Lang raconte les premiers préparatifs. Ça vous coûte cher? Une fortune. Vous vous y retrouverez? Oui, sans doute. Je ne sais pas si on s'y retrouvera. Combien, à peu près? L'important, c'est que ça ait lieu. 2 millions de dollars. Comment font les musiciens pour si bien communiquer avec les jeunes? La musique. Mais ça, c'est pas nouveau. La musique a toujours été un langage privilégié. Celle-ci est plus en prise avec la société actuelle qu'avant. Que dit cette musique? Quel est son propos? Elle parle de l'actualité. Si vous écoutez les paroles et les rythmes, vous saurez où en est la culture. Il reste 3 semaines aux organisateurs pour mettre sur pied toutes les infrastructures nécessaires à l'accueil de 50 000 personnes. En quelques jours, la paisible ville de Bethel devient le théâtre d'un incroyable branle-bas de combat. Des milliers de salariés et bénévoles arrivent pour construire la scène, mettre en place les sanitaires et les cantines, délimiter les lieux, organiser la sécurité. Le chantier Woodstock avance à marche forcée. Dans le même temps, l'annonce de la mise en vente des billets au motel d'Eliot Tiber provoque l'arrivée 3 semaines avant le début du festival, oui, avant le début, de milliers de personnes. Un flot continu de jeunes, qu'on n'appelle pas encore hippies, mais freaks. Cheveux longs, bandeaux, veste à franges, des fleurs plein les bras, cannabis en bandoulière et LSD dans les poches, ils débarquent à Bethel. Une fois leurs billets en poche, ils vont s'installer dans le champ prévu pour le concert, avant même l'ouverture officielle des portes. C'est que la publicité autour du festival de Woodstock a fait son chemin. Et on espère secrètement que Bob Dylan sera là. En réalité, il a décliné l'invitation, pas franchement heureux, à l'idée de voir sa paisible campagne perturbée par un tel événement. Et puis, l'honneur est en jeu. La côte Est et New York veulent prendre leur revanche sur l'Ouest et le festival de Monterey. Enfin, les péripéties dans la préparation du festival ont renforcé l'attente autour de l'événement. À une époque où il est interdit d'interdire et où la musique rock incarne ce côté « eux contre nous », revendiqué par les jeunes contre les institutions, tous les ingrédients sont réunis, comme en témoigne ce jeune qui arrive sur place. Les Pobés viennent ici pour trouver un guide. Au fond, chacun vient chercher une réponse. Quand il n'y en a pas... Croyez-vous que des dizaines de milliers de personnes ne viendraient ici que pour la musique? Franchement, je ne le crois pas. En fait, ils ne savent pas comment vivre. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils croient qu'ici, ils auront la réponse. Au fond, ils sont juste désorientés. Évidemment, cette affluence soudaine n'est pas du goût de tout le monde à Bethel. Eliot Tiber et Max Yasger subissent les foudres d'une partie des habitants de la petite ville. Le fermier se réveille avec des pancartes devant chez lui, où on peut lire « N'achetez pas le lait chez Yasger, il adore les hippies ». Eliot Tiber, lui, est insulté lors de réunions publiques. Malgré tout, les 4 organisateurs de Woodstock Venture résistent. Ils redisent les bénéfices attirés d'un tel événement, s'appuient sur l'attitude irréprochable des premiers arrivants et surtout organisent des conférences de presse pour augmenter l'affluence et maintenir le festival coûte que coûte. Une stratégie qui marche même trop bien, puisque le vendredi 15 août 1969, jour de l'ouverture du festival, près de 300 000 jeunes se retrouvent coincés dans un gigantesque embouteillage depuis New York sur plus de 100 km. C'est un afflux immense, sans fin, qui se dirige vers la prairie de White Lake. Chez les organisateurs, la joie se mêle alors à l'inquiétude. Les infrastructures prévues, la nourriture et les boissons, le lieu même, Rien n'a été prévu pour une telle affluence. Et la musique dans tout ça? Eh bien, en ce 15 août 1969, les artistes ne peuvent même pas accéder au site, bloqués eux aussi par les embouteillages. Michael Lang doit trouver une solution. Il lève les yeux vers le ciel et se dit « Tiens, si on laissait venir tous ces gens en hélicoptère ?» Et voilà qu'au fur et à mesure, on achemine les artistes par les airs. Reste que les concerts n'ont toujours pas commencé, que le programme a déjà plusieurs heures de retard. Michael Lang regarde autour de lui, pas de trace du groupe qui doit ouvrir le festival. Il se tourne alors vers Richie Evans. Le chanteur folk noir américain de 28 ans est, avec sa guitare sèche, le seul à pouvoir commencer. L'artiste hésite quand même, et il finit par accepter. Et à 17h, le festival Woodstock démarre. Evans enchaîne les chansons. Toujours pas de nouvelles des musiciens qui doivent suivre. Alors il continue, et il arrive au bout de son répertoire. Mais il faut pourtant poursuivre. Et bien c'est là qu'il entame une impro sur un vieil air de gospel, Freedom. Freedom, freedom, freedom. Freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Along way from my home, yeah. À peine commencé, Woodstock a déjà trouvé son hymne, celui d'une génération, d'une certaine jeunesse qui a décidé de se retrouver pour 3 jours dans un champ de l'État de New York, le temps d'un concert pour la paix et la musique. Freedom, un hymne en forme de mot d'ordre et qui résonne jusqu'aux confins du pays. À peine arrivés sur place, les festivaliers appellent leurs amis. « Viens, c'est génial, il y a de l'herbe pas chère, du LSD à foison, de la bonne musique et les gens sont cool. » À la télé, les images de ce parking géant qui est devenu l'autoroute vers Bethel finissent de convaincre les derniers hésitants. Oui, c'est bien là qu'il faut être, ce vendredi 15 août 69, the place to be. Et en cette fin de première journée, on compte 1,5 million de personnes sur place. Les grillages ne sont plus utiles et au micro, une annonce fait basculer l'événement dans une autre dimension. Il y a une chose que je voulais vous dire. Dès maintenant, l'entrée est libre. Ça ne veut pas dire que tout est permis. Ça veut dire qu'on vous offre la musique. Nos organisateurs vont boire la tasse. Une sacrée tasse, ça va faire mal. Mais cela prouve que pour eux, votre intérêt et celui de la musique passent avant le fric. Voilà, en à peine quelques semaines, initié par 4 mousquetaires, permis par un fermier et un hôtelier d'un coin perdu de l'Amérique, poussé par le souffle d'une génération, Woodstock devient bien plus qu'un festival. C'est une ville, c'est un monde, c'est le champ des possibles. Nos amis ne le savent pas encore, mais les nuages s'amoncellent pourtant au-dessus d'eux. Mais bon, pour l'instant, que la fête commence. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, have you back? Well, I need it, but I... Well, if I want to have it, well, I'm gonna make it for my friend. What do I do when my love is away? Is it for you to be alone? Oh, no, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? On me prie d'annoncer, vous en ferez ce que vous voudrez, que l'acide en circulation dans le coin n'est pas fameux. Alors évitez d'en prendre, mais après tout, vous êtes assez grand. Faites simplement attention. Août 1969, deuxième jour du festival de Woodstock. En lieu et place de la paisible bourgade, se croisent dans les rues des hippies défoncés et souriants, des troupes de théâtre expérimentales, des groupes de yoga, des femmes aux seins nus et des hommes aux cheveux longs. Quelques enfants aussi. On voit des filles qui embrassent d'autres filles, idem pour les hommes. D'autres font l'amour à peine caché dans un coin du pré, le tout dans une ambiance joyeuse. Comment pourrait-il en être autrement dans cet Éden improvisé ? En pleine guerre du Vietnam, Woodstock exalte la paix et l'amour. Même avec les habitants du coin d'abord réticents, tout se passe bien. Les magasins tournent à plein, les recettes n'ont jamais été aussi bonnes et surtout, ces jeunes freaks sont finalement très sympathiques. Voilà pour l'image d'Épinal, vraie mais incomplète. Car dans les coulisses, pour l'organisation, c'est une toute autre histoire qui se joue. Un élément exaspérant s'est invité à la soirée, la pluie. Là, au cœur de l'été, le ciel a voulu qu'il pleuve des cordes. L'herbe se transforme rapidement en boue, les concerts sont interrompus, les fortes rafales de vent menacent les immenses tours hautes de 3 étages qui entourent la scène. Le gouverneur de l'État déclare la zone sinistrée 24 heures seulement après le début du festival. Mais comment ne peut pas être à la fois amer et acide ? C'est dans la joie qu'on essaie de combattre les éléments. That's it. Everybody just help get away from the towers and clear them. And look up. Like Barry says, let's think hard to get rid of it, please. No rain! No rain! No rain! No rain! No rain! No rain! No rain! No rain! No rain! No rain! No rain! No rain! La vie s'installe à Woodstock, rythmée par les annonces du speaker sur la scène. Des amis toujours se perdent, des amants d'un soir essaient de se retrouver. Des demandes de mariage sont proclamées. Depuis la scène, on essaie de relayer les messages les plus importants, on appelle au calme, on prévient la foule des risques. Pour la sécurité, Michael Long, l'organisateur, et ses amis ont eu l'idée de proposer à la Hog Farm, une communauté hippie, la gestion des festivaliers et la sécurité des lieux. Adeptes de l'autogestion et de la responsabilisation individuelle, leur impact est immense. Notamment face aux mauvais tripes liées à la piètre qualité de l'acide qui circule sur place. Alors, ils aident les services médicaux à gérer les overdoses, les malaises et autres crises. Mais Woodstock, c'est aussi un lieu de vie, comme l'annonce le speaker, juste avant l'entrée sur scène de John Sebastian. City McGee, viens vite, ta femme accouche. Félicitations. John Sebastian. Oh boy. Oh les gars, c'est un spectacle à se défoncer. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je pense au mec dont Chip parlait, qui vient d'être père. C'est une vraie ville ici. Cette chanson est pour ta femme et toi. Ce gosse est bien parti. Why must every generation think their folks are square? And no matter where their heads are, they know moms ain't there. 'Cause I swore when I was small that I'd remember. Tant bien que mal, entre une naissance et des coupures d'électricité, les artistes se succèdent. Pour eux comme pour tous, une évidence s'impose, ils sont les acteurs d'un moment historique. Cette foule immense, infinie, qui se déploie sur la colline, l'atmosphère qui se dégage, la drogue qui, elle aussi, circule en coulisses. Aux stars attendues comme Janis Joplin, Ravi Shankar, John Bez, Crosby, Stills, Nash & Young, des talents se révèlent comme Joe Cocker ou Santana. Sur la scène de Woodstock, on entend du rock, du folk, du blues, acoustique, électrique. On entend surtout les voix puissantes des représentants de toute une génération. Alors, la communion entre les artistes et le public est à son comble, tous embarqués dans cette incroyable aventure, ce moment suspendu qui donne l'impression que l'histoire est en train de s'écrire au moment de la vivre. Et si l'utopie sur ce champ de Bethel devenait réalité? Pendant ce temps, les concerts continuent, comme celui des Who, qui termine cette journée du samedi 16 août avec plusieurs heures de retard sur le programme prévu et qui joue jusqu'au petit matin. Dimanche 17 août 69, alors que le peuple de Woodstock émerge doucement, les organisateurs ne sont pas au bout de leur peine. La pénurie de nourriture et d'eau est complète, les sanitaires, trop peu nombreux, sont submergés et bientôt inutilisables. Même dans les magasins de Bethel, les vivres viennent à manquer. Michael Long et les organisateurs se tournent alors vers les habitants du coin pour leur demander de l'aide. Et la solidarité fait le reste, et la nourriture est acheminée par hélicoptère. Les festivaliers, eux, sont pour la plupart à bout de force. Ils se ruent sur les cabines téléphoniques pour rassurer leurs parents, sans aucun doute très inquiets face aux images diffusées sur les télévisions américaines. Ici et là, il y a bien quelques bagarres par endroits, des bousculades, et puis on compte trois morts. Une par overdose, une pour une appendicite mal soignée, et une autre par accident, tout de même. Mais enfin, globalement, c'est une impression générale de calme qui se dégage de cette immense foule, comme le dit Max Jasger, le fermier hôte des lieux, invité à prendre la parole sur la grande scène. Je suis agriculteur. Je ne sais pas parler en public, surtout à une telle foule. Vous avez prouvé quelque chose au monde entier. Non seulement à l'État de New York, mais au monde entier. Vous formez le plus grand rassemblement jamais vu. Mais surtout, vous avez prouvé au monde que 500 000 gosses peuvent se réunir pour 3 jours de joie et de musique. Et uniquement pour ça, Dieu vous bénisse. Que ce soit à Bethel, dans tout le pays, voire à travers le monde, Woodstock marque un moment essentiel dans l'évolution de l'opinion sur cette jeunesse pacifique. Loin de l'image de la horde de jeunes voyous ou de jeunes drogués paumés, la jeunesse de Woodstock se montre polie, généreuse, fraternelle. Les organisateurs, eux, ont su faire preuve d'une capacité d'adaptation remarquable. Il faut pourtant que le spectacle se termine. Jimi Hendrix ! Et alors que le festival touche à sa fin et qu'il déborde jusqu'au lundi 18 août à cause des retards, il ne reste plus que 30 000 personnes sur le site, méconnaissable après la pluie. En fait, les derniers courageux attendent avec impatience un artiste plus que tout autre, peut-être, et qui finit par entrer sur scène. Bandeau dans la coupe afro et Fender Stratocaster blanche à l'épaule, c'est Jimi Hendrix, et chez lui, ses doigts sur les cordes qu'on parle au public. Le concert commence, s'étire jusqu'à ce que le rocker entame un hymne américain gravé dans la légende. Yeux fermés, bouche ouverte, pédale wah-wah et tige vibrato en furie, Hendrix éclate les notes, triture les sons, laisse entendre l'éclat des bombes, les rafales des mitraillettes et les cris d'enfants au cœur de l'hymne national. À la fois hommage et dénonciation d'un pays tiraillé en deux, cette Amérique, terre des possibles et coupable de la guerre du Vietnam, où elle envoie à la mort sa jeunesse et à qui Hendrix adresse un message. Le temps d'un week-end, celle qu'on appellera bientôt la nation Woodstock, a aussi et surtout voulu redire ce qu'était l'Amérique. Hasard ou heureuse coïncidence, le festival s'ouvre et se ferme avec deux chanteurs noirs américains par Freedom, le nouvel hymne de Heavens, et l'ancien, celui de la nation, revisité à la sauce Hendrix. Car au-delà de la contestation contre le Vietnam, de la revendication des droits civiques ou du pacifisme, ce que nous dit la jeunesse de Woodstock, c'est un rappel de ce qu'est et doit être l'Amérique, pays de liberté. Au bout du compte, les organisateurs auront explosé les dépenses de plusieurs millions de dollars. Michael Long, John Roberts, Joel Rosenman et Artie Grenfeld reviennent ruinés de cette aventure née un an plus tôt. Ils réussiront à rembourser leurs dettes grâce aux ventes du film et du disque Woodstock un an plus tard, micro-sillons qui graveront la légende du festival. Woodstock n'a pas changé le monde, mais il a transformé la vie de tous ceux qui y sont allés. Quelques mois plus tard, la côte ouest a voulu prendre sa revanche avec le festival d'Altamont organisé par les Rolling Stones, durant lequel un jeune garçon est mort sous les coups des Hells Angels, chargé de la sécurité. Miroir inversé de Woodstock, Altamont marque la fin du mouvement hippie. La jeunesse du baby boom entrera dans le rang où continuera son chemin des images plein la tête de ces 3 jours de paix et de musique. Girl, they cannot wrong the side of you. I have come. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, cordes sensibles, comme celle de la guitare aujourd'hui donc, Woodstock avec notre invité Laurent Geoffrin. Bonjour Laurent. Bonjour. Nous vous avons invité à deux titres. D'abord parce que nous sommes partenaires du journal que vous dirigez, Libération, et ensuite parce qu'au-delà d'être un journaliste, et je le disais tout à l'heure, l'un n'empêche pas l'autre, vous êtes un passionné de musique et vous connaissez bien toute cette culture-là. Hier, puisque nous faisons une semaine sur la fête, comme marqueur des temps, marqueur des décennies, hier nous étions dans le Paris de la Rive Gauche, de Saint-Germain, des années 50, fin des années 50. Aujourd'hui, nous sommes à cheval sur les années 60 et 70 avec Woodstock. Alors on a le sentiment qu'à cette époque, la musique a vraiment une place essentielle, hein, que c'est vraiment un vecteur de société, de pensée, d'expression. Et puis on a parlé de musique contestataire, de protest song. On est vraiment là-dedans ou c'est une image ? Ah non, on est absolument là-dedans. C'est-à-dire que c'est l'acmé d'une génération. Ouais. L'apogée d'un mouvement culturel. Pas d'un mouvement directement politique, mais quand même d'un mouvement culturel dont la connotation était progressiste sans aucun doute. C'est-à-dire que la plupart des chanteurs les plus connus de Woodstock, ils ont un engagement politique. Hein, et d'ailleurs, vous avez rappelé, Richie Evans, on lui demande d'improviser parce que les autres musiciens n'arrivent pas. Il chante quoi ? Freedom, ouais. Qui est exactement le mot d'ordre de toute cette génération du baby-boom, des gens qui sont nés entre 1940, 45 et 60, 65. Et parce que pour bien comprendre ça, il faut se rappeler ce qu'était la société avant. Oui. On oublie ça. Mais la société était extrêmement répressive. Et corsetée. Y compris dans les démocraties. Mmh. C'est-à-dire que vous aviez une espèce de contrôle social des mœurs, des sentiments, des coutumes, qui étaient largement influencés par la religion, et encore plus encore par les bonnes manières, la tradition, le fait qu'il y avait des choses qui se faisaient, qui ne se faisaient pas. Si vous prenez même le cinéma américain, qui est un symbole de liberté, il était entièrement réglementé par un code qui avait été fait dans les années 20 sur des bases religieuses, qui s'appelle le code Hays, et qui interdisait toute nudité, toute violence, les baisers étaient minutés, enfin, bon, tout était entièrement contrôlé, quoi. Et la vie quotidienne des adolescents qui sont nés, très nombreux, hein, qui sont nés dans les années 40-50, était totalement contrôlée. La discipline à l'école et au lycée était extrêmement sévère, rigoureuse. La vie dans les usines, c'était les Trente Glorieuses, donc c'était le travail à la chaîne, le contremaître impitoyable, le patron qu'on devait saluer en enlevant sa casquette. Enfin, les relations de sociales étaient extrêmement hiérarchiques, autoritaires, et finalement désuètes, dépassées, parce que entre-temps la société s'était enrichie comme jamais. D'abord il y avait eu la victoire contre les nazis, donc les alliés dominaient le monde, donc les démocraties dominaient le monde, mais cette promesse de liberté n'était pas tenue dans la vie quotidienne. Elle était tenue sur le plan politique, mais pas dans la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, toute cette génération très nombreuse, encore une fois, qui est née comme moi dans les années 50-60, considérait que tout ça était totalement dépassé et qu'il fallait vivre selon, non pas son bon plaisir, mais en tout cas selon sa liberté. Et alors quand vous dites l'acmé, donc ça veut dire qu'on est dans un processus qui est ouvert à peu près l'année 67, parce que c'est l'année psychédélique, c'est l'année de l'amour, hein, c'est le flower power, oui, déjà. Ça a commencé après, bien avant, mais... Oui, j'ai bien, mais le premier marqueur comme ça. Oui, oui. Après, il y a 68, ça compte aussi, alors, pas seulement en 68, France. Hein, 68, en France et dans le monde. Et dans le monde. Et c'est en France que ça a été le plus spectaculaire, parce bien que non sûr. Seulement il y a une révolte étudiante, mais vous avez une grève générale qui a paralysé tout le pays pendant un mois. Donc. Enfin, il y a eu les soulèvements, effectivement, sur les campus américains, il y a eu le printemps de Prague aussi, de l'autre côté, il y a eu cette aspiration à la liberté, et on est un an après ça. Donc on est dans cette mouvance. Et on est dans ce décalage entre ces gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui vivent dans une société en principe pacifiée mais qui fait la guerre du Vietnam, une société en principe libre qui est corsetée, une société en principe, qui a des idéaux, et en fait l'idéal est matériel, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, parce que les gens étaient très pauvres avant et ils voulaient profiter un peu de la vie, avoir des biens matériels, des voitures, des appartements un peu plus grands, le confort moderne, etc. Mais ça paraissait... à nous, à notre génération, à nous, ça paraissait matérialiste, trivial, sans espoir ou sans idéal. Ouais. Et donc tout ça crée un Et tout ça s'est exprimé d'abord par la musique. Alors justement, parlons. C'est ça le, l'affaire. Parlons de cette musique, parce que ça aurait pu être exprimé par une musique, bon, moyenne, mais enfin, qui aurait apporté des trucs. Là, on est quand même dans cette espèce de renaissance, hein, de la musique. Il y a une floraison, un bouillonnement extraordinaire et d'une grande, grande qualité. Il y a ça aussi, quand même, à ne pas oublier. Bah, c'est-à-dire que le jazz était sur sa fin, le blues donne naissance au rock'n'roll dans les années, fin des années 40. On est Elvis Presley, qui arrive à s'imposer auprès de la population blanche, parce qu'avant c'était de musique de noir, de minoritaire, de marginaux, et donc auprès de la population blanche, parce qu'il a une belle voix et parce qu'il est blanc lui-même, donc il devient l'idole des jeunes des années 50. Après, vous avez toute la suite avec Buddy Holly, tous ces gens-là, et puis les Anglais prennent le relais avec les Beatles, avec les Rolling Stones, tout ça, donc ça devient un phénomène mondial. Qui part des États-Unis, qui va en Grande-Bretagne et qui revient ensuite aux États-Unis. Avec le protestant et notamment ce qu'on entend alors là. Alors ça, c'est Dylan, années 60. Dylan, oui. Et effectivement, quand vous prenez la programmation de Woodstock, vous avez des gens comme... alors j'ai cité Richie Evans, mais vous avez Arlo Guthrie, qui est le fils de Woody Guthrie, qui est un protest singer très connu aux États-Unis. Vous avez John Baez, qui est l'égérie de Dylan. Bien sûr. Chanteuse qui fait des chansons très à gauche, hein, contre la guerre du Vietnam, pour le syndicalisme... pour les minorités, qui fait revivre le folklore américain populaire et qui l'amène au plus haut, hein, dans la qualité vocale. Vous avez Janis Joplin qui symbolise les excès en tout genre et la liberté absolue, avec une espèce de personnage dramatique comme ça qui va mourir prématurément et tragiquement. Et vous avez Country Joe qui est un des points forts du concert. Hein. On a entendu un petit extrait là. Mm-hmm. Alors, il faisait de la provocation, là, il faisait scander aux gens « fuck ». C'est pas très poli, mais bon, ça plaisait. Mais surtout, la chanson sur laquelle il enchaîne, c'est une chanson qui est une chanson antimilitariste digne de Boris Vian, c'est-à-dire « on va tous mourir »,« ouvrez les portes du paradis, on va au Vietnam », etc. C'était une protestation extrêmement virulente et anarchiste contre la guerre du Vietnam. Et en 69, il y a beaucoup d'Américains qui ont émigré aux États-Unis parce qu'ils veulent pas être draftés, comme disait Draft Revolution. On dit ça dans Woodstock. Draft Revolution, c'était les conscrits qui refusaient d'aller se battre et qui partaient au Canada. Et ces gens-là sont magnifiés par Woodstock. Donc des gens qui désertent et dont on fait des héros. Donc tout ça est quand même très très politique et la lutte contre la guerre. Il y a une dimension écologique aussi. Je veux dire, mais avec les hippies qui sont les premiers écolos. Alors, les hippies, c'est très écolo. Il y a retour à la nature, respect. Alors, il y a un côté un peu ridicule, à mon sens, c'est-à-dire qu'un peu secte mystique comme ça, mais bon, c'est aussi une sensibilité aux méfaits de la société industrielle qui s'exprime de manière, à la fois courageuse et un peu caricaturale par le mouvement hippie. Alors, on parle des hippies, on va écouter un hippie qui donne lui-même sa définition. Du hippie. Il est bien placé pour en parler, lui. Hein. On va l'écouter. Les hippies. Moi, je crois que c'est quelqu'un comme vous qui a ôté la cravate parce que tout le monde la portait, qui n'a envie de faire que ce qu'il veut, que ce qu'il ressent, comme il le voit. En faisant abstraction de toutes les coutumes, de toute la culture qu'il a reçue, c'est quelqu'un de vrai, c'est tout. Bon, c'est l'histoire d'une émancipation, finalement, le hippie. Oui, le mot d'ordre, c'est la liberté. C'est une révolte égalitaire aussi, parce que la société de l'époque était extrêmement hiérarchique. C'est que les différences de classe se voyaient tout de suite. Elles se voient toujours aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était encore plus caricatural. Les ouvriers avaient un costume, les représentants de commerce en avaient un autre, les employés, les cadres moyens, les cadres supérieurs, ils ne parlaient pas de la même manière. Et puis il y avait une espèce de respect obligatoire à l'égard des gens qui étaient au-dessus de vous. Enfin, c'était très militaire, tout ça. Et c'est pareil à l'école. L'école était militaire, elle était sur un modèle napoléonien. Et donc toutes ces générations s'y révoltaient contre ça, à juste titre, à mon avis. Plus les révoltes sociales qui étaient liées au mouvement ouvrier, au mouvement syndical, plus la fascination pour le mythe révolutionnaire, Cuba, Che Guevara et d'autres. Donc les gens voulaient que ça change, quoi, que ça change vraiment. Tout ça, il y a une part d'illusion, on le sait bien aujourd'hui. Enfin bon, si on n'a pas d'illusion à 20 ans, on n'a pas de vie. Hein. Oui, on dira même que ceux qui avaient 20 ans à l'époque ont eu la chance de pouvoir vivre ça. Mais, hein, sur le plan musical, c'était de notre qualité, parce qu'il y avait tellement de groupes qui émergeaient partout, C'est un tel phénomène de génération que le nombre de groupes était considérable, donc évidemment, la concurrence était féroce. Donc ceux qui émergeaient étaient très bons. Alors pourtant, les Doors, les Stones et les Beatles ne viennent pas à Woodstock. C'est-à-dire que il manque quasiment les grands princes. Ça ne veut pas dire que les autres Dylan sont... Non plus. Et Dylan non plus. Bah, vous voyez. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bons, moins intéressants. Enfin, il manque quand même les grands princes de la scène pop et rock. Et pourtant, on en garde un souvenir tellement fort. Qu'est-ce qui fait que quand on n'a pas les plus grands, on arrive quand même à faire quelque chose dont on parle, vous voyez la preuve, hein, on en parle 30 ans après. Ben, les plus grands, plus même que je dis 30 ans, 40 ans, c'est formidable, mais ceux qui étaient juste derrière étaient très bons aussi, donc c'est pas très grave que les plus grands ne viennent pas. Il y a des raisons, à mon avis, de circonstances. C'est que les Beatles étaient en train de se séparer. Oui. Je crois que Lennon avait dit, moi je veux bien venir, mais pas avec les Beatles, avec le Yoko Ono Band. Oui. Donc avec sa compagne, Yoko Ono. Et les organisateurs ont dit, bah non, ce qui est bien, c'est les Beatles, Yoko Ono, on s'en fout. Mais, donc il n'est pas venu. Mais les Stones, je ne sais pas, ils avaient des contraintes. Ces gens-là étaient... Ah, les Stones étaient polarisés sur Altamont. Hein, ils avaient un autre concert en Californie, qui va devenir d'ailleurs l'envers. Complètement, on l'a dit. Woodstock, complètement. Vous l'avez dit, ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu un crime. Il y a une scène pathétique où Mick Jagger s'avance vers le public et il essaye de calmer les gens en les suppliant d'arrêter de se battre et parce qu'il y a un type qui vient de se faire poignarder, donc c'est dramatique. Et donc ça a été vécu par beaucoup de gens comme la démonstration que Woodstock était une illusion, une utopie, et que la vérité de l'humanité, c'était quand même la violence et l'intolérance, quoi. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. Parce qu'on retient Woodstock, un peu moins Altamont, un peu moins le concert de l'île de Wight, qui était énorme. C'était, il y avait une chanson de la variété française sur le concert de l'île de Wight, donc c'était quand même un mythe. Mais c'était européen, et les États-Unis avaient une sorte de prestige naturel qui faisait que c'est Woodstock qui comptait. Mm. Et puis Woodstock, c'était le premier. Il y avait 50 000 personnes prévues, 500 000 arrivent, ça devient un phénomène énorme, quoi. Vous n'étiez pas bien vieux en 69, vous avez des souvenirs du moment où ça s'est passé? Bien sûr. Oui. Comment vous l'avez vécu? À distance ou... Bien. Ouais. Bah, merci, j'imagine. Non, mais j'y étais pas, mais évidemment, dès que le film est sorti, on s'est tous précipités pour aller le voir, et puis les chansons, on les connaît pratiquement par cœur maintenant, mais... Enfin, surtout vous. Cette époque. Surtout vous, parce que je vous ai interrogé. Mais vous aussi, vous n'êtes pas tout à fait ignare en la matière. Pas tout à fait, mais je connais moins que vous quand même, hein, Woodstock. franchement. Bien, vous me parlez du film, et bien, effectivement, il participe à la légende. On va écouter notre archive. Le film est présenté à Cannes en 1970. Et alors là, on voit que la vision des hippies, elle n'a pas beaucoup évolué. Écoutez. Nous sortons d'un film qui s'appelle Woodstock. Il y arrivera à le dire, vous allez le dire. Bon, nous en sortons. Nous en sortons aveugles, nous en sortons sourds, oui. Nous en sortons complètement abasourdis, nous en sortons encore plus idiots. Mais comment on sort du après ça? Nous étions avant d'y entrer. Bon, c'est un film. Mais c'est quand même une dimension, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça va être très important sur un plan, non pas cinéma, mais sur un plan sensibilité. Oui. Que nous découvrons une espèce d'univers dément et qui est aussi un univers un peu fasciste, il faut le reconnaître, quoi. Quand ce groupe noir chante ailleurs et que toutes les 500 000 types qui sont là lèvent la main et font ailleurs, ailleurs, on a l'impression d'être au congrès de Nuremberg. Bon, mais congrès de Nuremberg tout de même, mais où les gens sont à poil et... On a quand même plus entendu. C'est le film qu'on a fait de la grande manifestation hippie de Woodstock qui s'est passée l'été dernier près de New York. Hein, merci Nicolas Dramoud. 500 000 hippies étaient rassemblés, voilà. C'est de ce film qui dure 3h30 que Michel Royan vient de... 3h30 et on a toutes les chansons et la sonorisation. Avec John Baez, Arnaud Guthrie. C'est un film pop de reportage. Oh oui, mais c'est plus que ça. Bon, bah, c'est tout, presque n'importe quoi. Comme parfois, quoi, les commentaires à chaud sont pas toujours lucides. Non. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une incompréhension générationnelle? Je ne sais pas quel âge ont les journalistes qui s'expriment au moment où ils s'expriment là, mais on sent un décalage générationnel. Quoi. Ils comprennent pas ce qui se passe. C'est toujours un peu le cas, mais là la rupture a été brutale parce que les valeurs dont se réclamaient tous ces gens-là, qui était flou, qui était un peu caricatural, un peu ridicule, comme ça. Mais en même temps, elles étaient tout à fait contraires à toutes celles qui avaient été véhiculées par cette société d'après-guerre, qui était tournée entièrement vers la satisfaction des besoins matériels, vers le respect des traditions, la transmission d'un patrimoine, etc. Tout ça était comment dire, rejetée, ridiculisée, dénigrée par la nouvelle génération. Évidemment, ça heurtait beaucoup les gens, ce qui est normal. On ne pouvait pas être content de voir tout ce en quoi ils croyaient était piétiné par des gamins de 20 ans avec des cheveux longs, la moitié sont à poil, l'autre prennent des drogues, etc. Enfin, tout ça, c'est incompréhensible, c'est normal. Avec une musique de sauvage qui fait du bruit, on ne comprend rien, il n'y a pas de mélodie, ils chantent comme des patates. Enfin, croit à la génération précédente, quoi. Bah oui, parce qu'à l'époque, pour chanter, il fallait avoir une belle voix, il faut des belles harmonies, il faut un orchestre, du violon, tout ça. Ou à la rigueur, une guitare comme Georges Brassens, avec des textes travaillés, etc. Alors que là, il y a une espèce de spontanéité et de talent brut, comme ça, que la génération d'avant ne comprenait en rien. C'était totalement contraire à toutes les règles. Mais justement, c'était ça la force, c'est que c'était contraire à toutes les règles. Ça a généré beaucoup d'illusions en même temps, parce que l'idée d'une société, comment dire, pacifique, fraternelle, écologique... Solidaire, gentil, tout ça, c'était les hippies. Quoi. Donc ça ne s'est pas vraiment matérialisé, on l'a bien vu. Ouais. Enfin bon, c'était un rêve. Et bon, dans la vie, il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas vraiment de vie. Non et est-ce que, oui, bien sûr. Est-ce que vous décelez, vous, après 69, donc à partir de 70, est-ce qu'à aujourd'hui, un phénomène qui, sans être aussi fort, pourrait être un peu assimilé à ça, je sais pas, ou dans les années 80 ou les années 90, vous voyez, un phénomène de société porté par une musique et porté par une génération. Avec ces ingrédients-là, est-ce qu'on a connu aussi fort, je ne crois pas, parce que c'était multi... c'était... omniprésent dans tous les aspects de la vie, dans la sexualité, dans la famille, dans le travail, dans la politique, tout ça irradiait. Ces valeurs-là irradiaient. Ça a donné des mouvements politiques, des changements électoraux, ça a donné des modes vestimentaires, ça a donné une nouvelle manière de se comporter en famille, avec les amis, une manière de manger, une nouvelle manière d'avoir un rapport avec la nature. Enfin, tout ça a changé énormément de choses. Alors, il y a eu après d'autres révolutions, mais il y a eu les punks qui étaient beaucoup plus désespérés, il y a eu le rap qui était le bon, alors, je résume, j'ai l'expression d'une révolte sociale beaucoup plus... On en parlera jeudi d'ailleurs. Beaucoup plus violente, quoi. Mais j'ai du mal à trouver l'équivalent dans le monde, peut-être le romantisme dans les années 1820-1830. Ah oui, moi j'étais sur après, mais bon. Qui touchait tous les aspects de la vie et de la culture. C'est un peu le même genre de révolution. Bien, j'ai une dernière question à vous poser, la question gênante, parce que comme on est en direct, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je vais poser une question personnelle. C'est redoutable, est-ce que j'ai bien fait de venir ? C'est cuistre, ça. Vous jouez de la musique, Laurent Geoffrin ? Ah ben je joue comme un pied, mais oui, je joue de la musique. Mais vous jouez de la musique ? Vous jouez de la guitare ? Je fais de la guitare. Bon, j'ai pas très bien secret en disant ça. Non. Voilà. Je vous épargnerai ma production. Bon, on connaît Laurent Geoffrin sous un autre visage. Laurent Geoffrin. Non, j'ai même un orchestre qui s'appelle The Headless Chicken. Waouh, attendez, je note ça. Je note ça. Merci. Poulet sans tête. Merci, Laurent Geoffrin. Merci pour. Et puis ce partenariat avec Libération. Je suis ravi, mon cher. Et puis à l'année prochaine, enfin, début septembre. Au revoir, Laurent. Avec plaisir. Affaires sensibles aujourd'hui, Woodstock, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires sensibles. Demain, ce sera les années fric dont la fête, années 80, dont la fête était symbolisée par un lieu à Paris qui s'appelait le Palace.